plus copie. C'est ça, c'est ma vie que je t'écris. J'imagine jusqu'à quel âge. Yo, je vais vivre 30 piges. Je me suffis à moi que j'en vienne une surprise. En tout cas, je partirai, c'est sûr. Mais tout le monde s'en bat la race. Si je fais mes piges, je les ferai sans cessu. Je veux laisser ma trace dans l'histoire. Tu pourras, on m'a dit si tu persistes, alors tu pourras. Je ne donne pas d'image, mais des sons qui prêtent à réflexion. Et je réfléchis beaucoup quand les flics appliquent leur répression. Souvent je coule, mais des fois je suis alarmé. Quand t'es entre le feu, pour pas fuir, faut être armé. Je prends aucune violence, mais j'en fais juste l'analyse. Vu comme elle est partie, ça m'épaterait qu'elle se paralyse. Quand je vois des dèbres qui font 6 millions d'albums, pour ne dire que de la merde, je t'assure, j'en ai ras-le-bol. Ça ne me fait rien ce que tu racontes, espèce de pété. Devant toute ta clique, je pourrais le répéter. Ça, c'est ma vie que je t'écris. Je t'en veux pas si tu copies. C'est ça, c'est ma vie que je t'écris. De ce que vous me dites, et je réfléchis tout seul, et ce depuis tout petit. Je remercie Oscar et Sam 2000 et DCLK. On m'a dit tes faces sont comparables à des SLK. Alors qu'avant j'arrivais pas à placer de rime. Maintenant donne-moi un gros du rap que je l'éclate sur le ring. En tout cas, les pushkas, les touchkas sont présentes. On est hal, tu le présentes, et tu sais que je représente. Je représente ça, c'est trop facile à dire. Faut assumer ce que l'on pense, et ce, même si ça tire. N'insulte pas les caries, si par la suite tu les pompes, et ça me pompe. C'est bouffon qui soit disant tire au fusil à pompe. Je me trompe pas quand je dis que les flics ne mourront pas. Et si le shit c'est frite, ces flics ne le sauront pas. C'est sur le tas que j'apprends à faire mes bails. Pas besoin d'école du rap, soit t'assures, soit tu remballes. C'est ça, c'est ma vie que je t'écris. Je t'en veux pas si tu copies. C'est ça, c'est ma vie que je t'écris. C'est là, les mots que tu craches, c'est là le son. Pour les MC qui veulent s'y mettre et qui connaissent pas le son. Pour les autres, c'est la même, posez tous vos stylos. Les gangsters savent se taire et l'ouvrir quand il faut. Les vrais gars ne divulguent jamais leur passé. Ça se lit dans leur regard comment leur vie est tracée. De plus, ceux qui rigolent le moins sont les moins dangereux. Méfie-toi des souriants, des calmes, c'est ceux qui peuvent te calmer. Là où t'habites, où les films que t'as vus ne font pas de toi un bonhomme. Un type cool peut être hors norme. Les balles ne trahissent pas, j'en fais confiance, les yeux fermés. Contrairement à certains cons qui pourraient me faire enfermer. Beaucoup ont le flingue, mais combien s'en serviront? Sur 100 gars, y'en aura qu'à peine 50 environ. Je verrai quand viendra ma fin. En attendant, les vrais MC se font aussi rares qu'un chinois qui rappe. C'est ça, c'est ma vie que je t'écris. Je t'en veux pas si tu copies.